mes deux collègues et amis. Je vais présenter un PowerPoint. Donc, il faut que, pour ceux qui nous suivent à distance, parce que c'est vraiment le PowerPoint qui est le plus important, vous puissiez donc à la fois avoir l'image peut-être de cette salle, mais surtout accès au PowerPoint. Donc, normalement, la première image s'est affichée. Est-ce que tout le monde la voit bien? Parfait. Alors donc, je commence. Mon propos est de donner dans cette première intervention quelques éléments sur le cadre dans lequel s'inscrit Cyrano de Bergerac, donc vous voyez au moment de sa création, donc vous voyez mon titre. Et donc, bien sûr, j'interviendrai en historien des spectacles que je suis et non pas en littéraire que je ne suis pas. Si la pièce de Rostand a souvent été attaquée et méprisée, et je pense que cette histoire de la pièce, elle fait partie de l'étude que vous allez tous mener, c'est que ses détracteurs, ils voyaient le reflet du théâtre de son époque, jugé avec mépris par certains contemporains et par beaucoup d'autres par la suite au 19e et 21e siècle. Il est vrai que pour tout spécialiste du théâtre du 19e siècle, et je crois parler au nom de mes confrères et consoeurs, au 19e Cyrano Bergerac est une sorte de synthèse de tout le répertoire du 19e siècle. Il y a ce côté patchwork qui est assez fascinant. Et d'ailleurs, quand je dis tout le répertoire, j'insiste tout de suite sur un point très important. C'est à la fois le répertoire dramatique, mais aussi le répertoire lyrique. Et on comprend beaucoup de choses en ne séparant pas les deux. Je crois qu'en lisant la pièce comme le livret d'un opéra dont les vers seraient la partition, il y a des choses qui apparaissent et qui sont tout à fait intéressantes. Et Patrick Beignet lui-même a noté dans son édition que Cyrano, je le cite, sur bien des points, reproduit la structure d'un opéra. C'est notamment vrai dans les scènes d'ensemble où, je cite encore Patrick Beignet, Rostand a, je cite, une écriture quasi musicale. Ce petit chapeau, j'insiste sur cet élément d'avoir aussi une vision lyrique de la pièce. Je vais donc brosser le contexte de cette comédie héroïque en cinq actes et en vers créée au théâtre de la Porte Saint-Martin le 28 décembre 1897. J'aborderai juste quelques points pour rester dans le temps qui m'est imparti, en l'occurrence cinq points, et bien sûr je ne serai pas du tout exhaustif sur ce contexte. Sur le contexte théâtral, je me permets de renvoyer donc à la préface de l'édition de Philippe Beignet, page 7-10, où de façon très ramassée l'essentiel est dit, et puis aussi à la préface de l'édition de Jean-Yves Guérin chez Champion, que vous utilisez j'imagine les uns et les autres, 26-33, l'un et l'autre brosse un état du théâtre dans les années 1890, j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots, mais pas de façon systématique. Alors, le premier élément à avoir en tête, et donc le premier élément sur lequel j'insisterai, c'est la puissance du théâtre en 1897. Cette puissance, je lui ai, dans d'autres travaux, donné un nom, j'ai appelé ça la dramatocratie, je n'en reviens pas sur ce concept. Cette dramatocratie, elle est, dans la façon dont je l'aperçois, en recul depuis le Second Empire, puisque à partir du Second Empire, le théâtre proprement dit, dans lequel s'inscrit Cyrano, commence à être de plus en plus concurrencé par des formes de spectacle non théâtral. D'abord le café-concert, qui va vraiment être un phénomène de masse essentiel, le cirque, puis ensuite le musical, le spectacle sportif, le cinéma à la belle époque. Donc, quand on est en 1897, il faudrait peut-être plutôt parler de puissance des spectacles que de puissance du théâtre proprement dit. Cependant, même si le théâtre dramatique est un recul, il garde un immense prestige et un poids culturel très grand, sans aucun rapport avec ce qu'il est en 2021. Et peut-être c'est une première chose importante à avoir en tête, il faut vraiment se remettre et considérer le théâtre tout à fait différemment de la façon dont on le considère de nos jours. Et on peut vraiment dire que toute la population française en 1897 a une culture théâtrale, même ceux qui ne vont pas au théâtre, parce que par plein d'autres biais, les intrigues, les personnages, tout ce qui est lié au théâtre irrigue la société et vous n'avez pas besoin d'aller au théâtre pour connaître cette culture. Un peu comme de nos jours, vous connaissez des séries, des films, sans pour autant les avoir vus, mais ça fait tellement partie d'une culture qui vous imprègne que vous êtes au courant. Paris, bien sûr, est la capitale dramatique de la France. J'y reviendrai, même si j'y reviendrai aussi. On est à une période où une certaine décentralisation est à l'œuvre. Elle est aussi la capitale dramatique du monde. J'y reviendrai également. Alors, cette domination, on pourrait la traduire de bien des façons, l'illustrer de bien des façons. Par exemple, par le nombre de salles. En 1914, à la veille de la guerre, il y a 36 salles de théâtre à Paris, mais de nombreuses autres salles de spectacle, qui sont pas strictement des théâtres, mais qui font des théâtres. Donc, ce chiffre de 36 peut être allongé par d'autres salles. Et puis, un élément essentiel qu'il faut avoir en tête, c'est les recettes de ces théâtres. Vous savez que depuis 1829, existe la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, qui perçoit l'argent pour le compte des créateurs, hein, écrivains et musiciens. Cette société, elle fait chaque année une assemblée générale. En 1898, elle a lieu le 4 mai, sous la présidence de Victorien Sardou, un personnage incontournable du paysage théâtral de cette fin de siècle. Et je vous montre un premier document. Alors, naturellement, ça marche pas, mais ça va marcher. Je pensais que pour passer... Ça a l'air coincé. Le PowerPoint est coincé, Fanny. Pardon. C'est là. On va résoudre ça, bien sûr. Parce que ça marchait. Naturellement, ça marche toujours avant, mais ça ne marche pas pendant. C'est étrange. Est-ce que peut-être on ferme et on rouvre ? Alors, ce qui est étrange, c'est que sur la vidéo, oui. En ligne, c'est la bonne diapositive, mais pas ici. D'accord. Alors, bon, en fait, si on va peut-être déplacer la caméra et de façon à ce que je vois ce qu'il y a sur l'écran, que je vois ce qui est en ligne. Se connecter. C'est toujours comme ça, effectivement, et c'est vrai que le... On va quand même pas éteindre ça. On peut essayer, mais... Bon, en fait, comme l'assistance est surtout à distance, donc, il faut juste quand même que je vois, que je sois certain de ce que voient nos amis à distance. Et puis, peut-être... Fanny, si tu veux faire, tu le rouges. Bon, on va continuer comme ça. Pardon, je vous enverrai, puisque l'assistante n'est pas très nombreuse sur place, j'enverrai ces éléments. Et donc, effectivement, le premier élément que je voulais vous montrer, ce sont les chiffres, non pas des recettes, mais des droits. Les droits d'auteur pour l'exercice 97-98, et l'exercice 98-99, avec un chiffre qui, vous le voyez, des chiffres qui sont à peu près semblables pour les deux années, avec une répartition entre Paris, où l'essentiel des droits d'auteur sont perçus, les départements, donc la province, la banlieue, avec une catégorie de théâtre un peu intermédiaire entre les théâtres de Paris et les théâtres de province, les cafés-concerts, où la SACD a encore du mal à percevoir des droits, l'étranger, qui là aussi est assez... est assez peu... présente parce qu'il faut que les SACD signent des traités et l'État français avec les différents pays pour que les auteurs français puissent toucher des droits, ce qui d'ailleurs pour certains pays ne sera jamais. Hein. Par exemple en Russie, le tsar refuse de signer un traité en disant mais les auteurs russes ne touchent pas d'argent, donc pourquoi les auteurs étrangers, les auteurs français en toucheraient. Donc effectivement, avec l'autocratie, c'est toujours plus simple. Et donc, je vous avais mis les chiffres pour 1897-1998 et pour l'année suivante, 98-99. L'année suivante, où l'AG de la SACD, j'y reviendrai, a lieu le 3 mai sous la présidence de Ludovic Ali. Et diapositive suivante, dans son rapport pour cette Assemblée générale de 1898, le secrétaire général de la SACD, Jacques Normand, observe, je cite, « Les recettes des cafés-concerts se sont élevées dans une proportion à peu près semblable à la diminution des recettes des théâtres. Cela est dû à ce que les cafés-concerts tendent de plus en plus à devenir de véritables théâtres et que l'importance de la partie dramatique des programmes de ces établissements augmente chaque jour, de telle façon que votre commission, dans les nouveaux traités, s'est efforcé de fixer pour les cafés-concerts des droits équivalents à ceux des théâtres. » Vous voyez donc que c'est bien ce refus de la dramatocratie dont je vous parlais et cette montée en puissance des autres spectacles, et notamment des cafés-concerts qui est spécifiée lors de ces trajets. Alors, le deuxième élément que je voulais évoquer, le deuxième élément de contexte à côté donc de cette puissance du théâtre, c'est d'essayer de cerner un peu avec vous la place du théâtre de la Porte-Saint-Martin dans le paysage théâtral parisien, parce que au XIXe siècle, le lieu de création d'une pièce est un élément important qui n'est absolument pas neutre, et Cyrano s'inscrit dans l'histoire de la Porte-Saint-Martin. Je vous montre une image de la Porte-Saint-Martin en 1900, donc à peu près au même moment de Cyrano. C'est une salle à la fois ancienne et récente. Ancienne parce qu'elle a ouvert en 1781 pour accueillir l'opéra. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une salle vraiment avec des proportions très importantes, puisqu'elle était destinée au départ pour le type de spectacle le plus... qui demande le plus de mise en scène à cette époque, l'opéra. L'opéra d'ailleurs va y rester jusqu'en 1794. Je vous dirai dans un instant pourquoi c'est une salle récente, mais je fais un peu l'histoire de la Porte Saint-Martin. En 1807, lorsque Napoléon rétablit le système du privilège, là aussi on pourra en parler dans la discussion si les choses ne sont pas claires, Napoléon donc va autoritairement fermer cette salle qui représentait un danger pour les théâtres officiels parce que justement elle était trop luxueuse et permettait des spectacles qui représentaient une concurrence trop forte. Et le théâtre de la Porte-Saint-Martin ne va rouvrir qu'en décembre 1814, grâce au changement de régime, grâce au retour des Bourbons. Cette salle va avoir une importance assez grande sous la Restauration, où elle est une salle de manœuvre de pantomime, et c'est d'ailleurs aussi un des lieux de naissance du ballet romantique. Il y a toute une histoire chorégraphique de la Porte-Saint-Martin sous la Restauration. Et surtout, à partir de 1830, les spécialistes le savent bien, c'est le théâtre de prédilection des auteurs romantiques qui ont bien du mal à conquérir les scènes officielles. Je rappelle pour mémoire les créations d'Antony en 31, La Tour de Nesle en 32, Lucrèce Borgia en 33, Marie Tudor la même année, etc. Frédéric Lemaître et Marie Dorval y trouvent quelques-uns de leurs plus grands rôles. À cette époque, la salle est dirigée par un directeur charismatique. Les directeurs de théâtre sont des personnages importants de l'histoire des spectacles. Charles-Jean Harel, ancien directeur de l'Odéon et amant de Mademoiselle Georges. On peut vraiment dire qu'à cette époque, donc les années 1830, la Porte-Saint-Martin connaît une période exceptionnellement brillante, rivalisant avec la Comédie-Française. Par la suite, si on continue à dérouler très rapidement l'histoire du théâtre, on peut citer la création de Vautrin de Balzac en 1840, du Chiffonnier de Paris de Félix Pierre en 1847, mais le théâtre va avoir une faveur moins grande et il est incendié sous la Commune en mai 1871, reconstruit et rouvre en septembre 1873. Donc voilà pourquoi je vous parlais d'un théâtre nouveau, c'est un théâtre neuf qui a à peu près 25 ans, dans lequel est créé Cyrano de Bergerac en 1897. Et à partir de cette ouverture de 1873, la Porte Saint-Martin devient le temple du grand spectacle, avec notamment en 1874 deux créations extrêmement importantes, Les Deux Orphelines de Denry, et puis le Tour du Monde en 80 jours de Verne et encore d'Henry. Je vous montre une affiche de la création en 1974, donc de Tour du Monde en 80 jours. Les années 1980 voient la Porte Saint-Martin est en quelque sorte dans l'orbite de Sarah Bernard, qui, vous savez, a besoin d'un théâtre à Paris. Elle va travailler avec plusieurs théâtres différents. Mais dans les années 80, c'est la Porte Saint-Martin. Pensez à Théodora, 1884, La Tosca, 1987, donc deux pièces écrites par Sardou pour elle. Et là aussi, donc, toutes ces pièces que je vous cite, à mon avis, sont intéressantes à avoir en tête quand on étudie le Cyrano de Bergerac. La fin des années 1890 est moins facile, et la création de Cyrano de Bergerac va être rendu possible seulement par le fait que le théâtre va être pris en termes de direction par la famille Coquelin, qui va investir de l'argent dans ce théâtre pour pouvoir y monter le spectacle. Les Coquelin vont diriger le théâtre de l'automne 1897 jusqu'à la fin de l'année 1900. Alors, pour encore mieux vous montrer ce qu'est la Porte Saint-Martin au moment de la création de Cyrano de Bergerac, je vous montre un tableau que j'ai réalisé qui reprend l'ensemble de l'activité de la Porte Saint-Martin en 1897. Un début d'année qui est marqué par l'héritage du mélodrame et du drame. Avec l'année qui commence avec une pièce de Jean Genet, le colonel Roquebrune, un drame qui a été créé à la fin de 1896, puis une pièce assez intéressante d'ailleurs, pièce fantastique à la fois musicale et dramatique, La Montagne Enchantée, Moreau et Carré pour le livret, Messager et Leroux pour la musique, reprise de Don César de Bazan, pièce de l'époque de la monarchie de Juillet. Ah, bah, je vois que c'est merveilleux, ça marche. Donc, c'est la bonne diapositive. Donc voilà, comme Cyrano, à la serre, on retombe toujours sur ses pieds. Donc c'est formidable. Merci à mes cadets de Boston, merci à les féminins qui m'ont aidé. Oui, voilà, c'est le mystère. Donc vous voyez, c'est plus simple de la voir aussi dans la salle. Le début de la saison avec donc ses reprises, dont c'est l'art de Bazan, et reprise aussi des Mystères de Paris, l'adaptation que Eugène Sue a fait lui-même de son roman. Et puis pendant l'été, et ce qui montre que le théâtre quand même a des problèmes, il est loué à un entrepreneur qui veut y faire une saison lyrique, qui cherche un théâtre à Paris pour se faire jouer. Et dans cette saison lyrique, on retrouve des pièces de Verdi, Le Trouvère, Hernani, l'opéra italien est aussi représenté par Lucie de la Mermure de Donizetti. Un opéra comique qui a eu beaucoup de succès à l'époque, qui est le plus grand succès en tant que librettiste de la biche, qui s'appelle Le Voyage en Chine. Et puis deux opéras, La Coupe et les Lèvres, La Mégère apprivoisée, qui sont des opéras contemporains de compositeurs moins importants. À l'automne, comme je vous disais, la prise de direction par Coquelin et ses proches, avec d'abord un drame historique, La Mort de Hoche de Déroulède, une reprise de Terminator, dont on a une grande spécialiste ici, Sophie Doucet qui est parmi nous, et effectivement, Terminator, vous savez, c'est le grand échec de la comédie française en 91, mais la pièce a été reprise à la Porte Saint-Martin en 96 avec succès, donc là c'est une reprise de la reprise, et puis donc vous voyez pour finir la création à la toute fin de l'année de Cyrano de Bergerac. Alors, donc c'était un peu un pari, bien évidemment, pour Coquelin de reprendre la Porte Saint-Martin pour monter Cyrano. Ce pari va se révéler amplement gagnant. Et je vous donne maintenant quelques chiffres pour mesurer le succès de Cyrano, qui a été véritablement une bénédiction pour la Porte Saint-Martin. Donc, j'ai mis ça sur cette image. Bien sûr, Spare.com sera en ligne d'ici quelques temps sur le site de la Serbe. Vous voyez donc, la création a eu lieu fin 97, la centième a lieu le 25 mars 98, 200e le 23 juin, 300e le 21 décembre. Les 2 millions de francs de recettes, là je parle de recettes, hein, non pas de droits d'auteur comme tout à l'heure, sont à 4 novembre 1898 à la 246e représentation, et la pièce va aller sur sa lancée jusqu'à la 400e, qui a lieu en mars 98. J'ai un petit doute sur la date précise, il faudra revérifier ça plus en détail. 400 représentations d'affilée, c'est pas complètement exceptionnel, mais c'est quand même vraiment dans la frange très haute du succès d'une pièce à cette époque. C'est à partir du Second Empire qu'on a des pièces qui jouent pendant plusieurs centaines de fois. La pièce sera reprise encore 96 fois à la Porte Saint-Martin en 1999, et puis reprise à la 401e pour l'Exposition universelle de Paris le 15 mai 1900 pour 170 nouvelles représentations. Ces chiffres, je les tire des annales du théâtre et de la musique, qui est vraiment une source importante pour cette période. Je traduis aussi le succès par les recettes brutes de la Porte Saint-Martin par exercice. Alors les exercices théâtraux, c'est de mars à février, hein, ça ne suit pas l'année civile. Et vous voyez, effectivement, je ne m'arrête pas trop longtemps sur ces chiffres, mais le bon... lorsqu'on passe de l'exercice 97-98 à l'exercice 98-99, hein, on passe de 1 171 000 francs à 1 842 000 francs. Donc là, on voit très nettement le succès de Cyrano. De la même façon, si on regarde de façon plus détaillée les recettes brutes pour les différents mois, novembre 57 000, 97, donc décembre 25 000, en plus il y a eu... la préparation de la pièce, les répétitions, et puis ce bon extraordinaire, janvier 98, 310 774 francs. Donc là, les chiffres inscrivent très nettement le succès de Cyrano. Troisième élément, c'est la diffusion du répertoire parisien en province et à l'étranger. À la Belle Époque, la situation évolue un peu, et on a quelques créations en province, notamment pour le répertoire lyrique. Et par exemple, les deux opéras que je vous ai montrés, qui ont été créés à la Gaîté pendant l'été 97, ont d'abord été créés à Rouen avant d'être créés à Paris, renversement de ce qui se faisait d'habitude. Vous savez aussi que la province est perçue comme un lieu, à cette époque, où on peut renouveler l'art lyrique, hein, loin de la capitale qui serait vouée au théâtre commercial. Et en 1895, Maurice Kotcher a ouvert le théâtre du peuple à Buchan, dans les Vosges, avec cette belle devise « Par l'art, pour l'humanité ». Malgré tout, on reste quand même dans une situation où la province continue à jouer avant tout les succès parisiens par le biais de grandes tournées. Et alors du coup, non, je vous en prie. Alors, il y a encore des petits problèmes techniques. C'est assez récurrent. En fait, il faut appuyer sur la diapositive. Ben, du coup, on ne la voit plus à l'écran ici. Bon, comme notre public est avant tout à distance, merci Fanny, mais le mieux est l'ennemi du bien. Donc, on va... Parce que à distance, il y en a pas, mais il y a eu. Bon, c'est pas grave, mais par contre, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard pour qu'on ait le temps de discuter. Je Et donc, je vais peut-être quand même tourner ça de cette façon-là pour que vous puissiez quand même avoir une idée de ce que je montre à nos amis à distance. Et donc, je vous disais, les succès parisiens sont exportés en province par le biais de tournées. En l'occurrence, c'est dès le début avril 1898, donc 3 mois seulement après la création parisienne, qui est mis sur pied une tournée, la tournée Moncharmont et Luguet, qui ont donc traité avec Rostand, pour emporter la pièce hors de Paris. Et c'est une tournée qui va être très longue, puisqu'elle va durer 2 ans. Elle débute à Versailles, donc pas très très loin, au Théâtre Montansier, puis ensuite elle va parcourir non seulement la France, mais aussi l'Algérie, la Tunisie, la Belgique, la Hollande, la Suisse et l'Italie, avec des représentations en français. Donc là, vous avez une affiche un peu type qui permettait d'annoncer le spectacle dans différentes villes. Alors, pour cette tournée, un élément qui me semble intéressant à noter, c'est que, bien sûr, Coquelin reste à Paris, donc c'est un autre acteur qui incarne Cyrano. C'est d'abord un acteur qui s'appelle Adolphe Candé, C-A-N-D-E, puis ensuite, assez rapidement, le rôle passe à un autre acteur qui s'appelle Hirsch, on n'a pas son prénom, H-I-R-C-H, et si je me permets de vous dire ça, c'est qu'effectivement, Candé et Hirsch sont assez différents de Coquelin sur un point, c'est que Coquelin, donc, il est né en 1841, donc il a 56 ans quand il crée Cyrano, alors que Candé est né en 58, il a 39 ans, et Hirsch, en 68, il a 29 ans. Donc en fait, en province, et quand même beaucoup de gens ont découvert la pièce, non pas en venant à Paris, mais à travers cette tournée qui a représenté un très grand nombre de représentations en province, donc on a un Cyrano beaucoup plus juvénile, ce qui peut quand même être intéressant à avoir en tête. Et je vous montre une autre image, là aussi, donc c'est des choses qu'on trouve sur Gallica, hein, deux affiches concernant cette tournée, donc une affiche à gauche, qui insiste sur l'immense succès à Paris de Cyrano, et puis une affiche typographique sur des représentations à Toulouse, hein, au Théâtre des Variétés de Toulouse, où vous voyez le nom de Hirsch qui apparaît bien. Il est spécifié que Hirsch a été choisi spécialement par Rostand, qui en a fait donc son Cyrano pour la province, et ce fait est rappelé dans la presse. Et je vous lis un petit passage du rideau artistique et littéraire du 1er janvier 1900. Monsieur Hirsch a joué plus de 600 fois le rôle de Cyrano, dont 110 fois à Marseille, 80 fois à Toulouse, 100 fois à Lyon, et le reste dans toute la France, l'Alsace-Lorraine, la Suisse, l'Italie et la Belgique. Tout dernièrement, Monsieur Hirsch a reçu de la part de l'auteur de Cyrano de Bergerac, Monsieur Edmond Rostand, une brochure avec cette dédicace qui en dit très long, à Hirsch, qui a été 555 fois un admirable Cyrano, 555 remerciements de son très reconnaissant Edmond Rostand. Donc je pense que la diffusion de la pièce avec un autre Cyrano, et vous voyez un Cyrano choisi par Rostand mais qui n'a pas le même âge, peut être aussi un élément intéressant à avoir en tête. Alors la pièce donc est diffusée à travers cette tournée, mais elle est aussi très vite jouée à l'étranger, ce qui est courant pour les succès dramatiques parisiens de cette époque. Hein. J'ai pu faire ce type de recherche quand j'ai édité les pièces de Feydeau, et on est exactement sur les mêmes procédés. Je vous ai fait un petit tableau que je ne vais pas détailler sur Cyrano à l'étranger, en me limitant aux années 1898-1900. Je ne vais pas reprendre, puisqu'en plus avec ces ennuis techniques, on a perdu. Vous regarderez le PowerPoint plus en détail, Berlin, Philadelphie, Kharkov, Madrid, Varsovie, Montréal, etc. J'ai mis en rouge les représentations, notamment à Londres et à New York, où c'est Coquelin, lui, qui se déplace, au fond, les grands qui négocient des congés pour partir faire des tournées lucratives, et bien sûr, ces représentations avec Coquelin ont lieu en français, même si on est à Londres, même si on est à New York. Donc, ce tableau, je l'ai réalisé à partir de ce que Jean-Yves Guérin a noté dans son édition très, très détaillée, mais bien évidemment, Jean-Yves Guérin, donc, encore une fois, a bien travaillé, mais sur ce type de recherche, on n'est jamais exhaustif, et on pourrait pousser et trouver encore plus de représentations. Et d'ailleurs, dans les Annales du théâtre et de la musique pour 1898, je relève cette phrase, le journaliste évoque, je cite, 23 compagnies, la pièce sans que l'auteur l'ait appris autrement que par les journaux. Donc il y a à la fois les représentations autorisées par Rostand, et puis bien sûr, puisque comme je vous le disais, a fortiori à l'étranger, les droits des auteurs ne sont pas systématiquement protégés, on a aussi beaucoup de compagnies qui s'emparent de Cyrano sans demander l'autorisation et qui le jouent et qui participent à la diffusion de l'œuvre. Le quatrième élément que j'aimerais évoquer avec vous, c'est un élément qu'on évoque souvent quand on parle du théâtre de cette époque, mais qui me semble tout à fait représenté dans Cyrano, c'est le vedettariat, hein, le star system, qui est très marqué à la Belle Époque, et qui a été renforcé par les effets de la liberté industrielle des théâtres, instaurée par Napoléon III par le décret du 6 janvier 1864. Vous savez qu'à partir de 64, la vie théâtrale n'est plus régulée que par le jeu de l'offre et de la demande, et que l'État n'intervient plus que par la censure, et puis bien sûr par les théâtres officiels qu'il continue à subventionner. Mais donc, dans cette organisation purement libérale et marchande du monde théâtral, les directeurs de théâtre ont tendance à jouer la prudence en misant sur de grandes vedettes. Cyrano et Constant Coquelin en sont l'illustration. Bien sûr, on pourrait citer à côté de Coquelin, Sarah Bernhardt, Réjeanne, Julia Barthet, Lucien Guitry, De Max, enfin on a toute une collection de grandes vedettes autour desquelles des spectacles se montent. On peut citer d'ailleurs aussi Éléonora Douze. La Douze, je la cite parce qu'elle est venue donner en juillet à la Porte Saint-Martin en 1897, je l'avais pas marqué sur le tableau, une matinée qu'elle a offerte aux artistes parisiens, donc à ses confrères et ses consoeurs français. Coquelin, et je vous montre une caricature, maintenant il faut que je fasse comme ça, une caricature dans le rire au moment de Cyrano en février 98. Coquelin est vraiment la vedette par excellence. D'ailleurs, il s'était notamment rendu célèbre par une polémique qui a eu lieu en 1882. C'est ce qu'on appelle l'affaire du comédien. Octave Mirbeau a écrit un texte très critique sur les comédiens. Coquelin a pris la défense de sa profession et je me permets de vous renvoyer, j'ai publié les éléments de cette polémique dans un article dans le magazin du 19e siècle. En tant que président de la SERD, je fais bien sûr la publicité de notre association et de ses publications. Dans le numéro de 2017, à la fois le texte de Mirbeau et la réponse de Coquelin est assez intéressante. Et là d'ailleurs dans cette image, vous voyez peut-être derrière Coquelin quelqu'un qui joue de la trompette. Effectivement, la trompette de Coquelin était devenue une sorte d'expression un peu proverbiale pour parler de sa diction. Donc on la retrouve signifiée dans cette caricature. Cette puissance de la vedette, elle est fondamentale pour bien comprendre Cyrano de Bergerac. Et d'ailleurs, entre Rostand et Coquelin, note à nouveau Patrick Beignet, je cite, comme pour Sarah, il s'agit d'une authentique collaboration. Donc, il faut avoir bien évidemment cet élément en tête. Et pour illustrer donc ce quatrième point, cette puissance de la vedette appliquée à Coquelin, je voudrais citer deux textes. Le premier texte, il date de la veille de la création de Cyrano, puisque c'est un extrait de l'événement du 16 novembre 1897, un article de Félicien Champsaur que je vous... Parlons de Coquelin, puisque juriste, il faut bien parler de quelqu'un ou de quelque chose. Et Dreyfus, le traître, on y pense toujours, mais on n'en parle presque plus, malgré Zola et sa brusquesse. Les comédiens, il n'y a que pour attirer l'attention. Tous désirent savoir ce qu'il est, quand il est lui-même, celui qu'ils ont vu et applaudi sous les trapins et le mascaré. Plus s'efface d'injustes préjugés, plus c'est ouvert, la porte est béante aujourd'hui comme un arc de triomphe, dans un pavoisement extraordinaire de rubans rouges et de rubans violets, l'accès de la société à d'anciens parias, plus on se montre désireux de pénétrer dans leur monde à eux, d'avoir vu sur eux, même au-delà des coulisses. Les acteurs sont devenus en quelque sorte des hommes publics et les actrices des femmes publiques. Il y aurait beaucoup à commenter sur ce texte, mais effectivement, je le mettais pour planter en quelque sorte le décor. Et puis le deuxième texte que je veux vous montrer, non, ça marche toujours pas, donc je vais faire comme ça. Il a été publié dans le Gaulois le 25 mars 1898 à l'occasion de la centième de Constant de Simon Bergerac. Donc ça s'appelle, vous voyez, à propos d'une centième, Constant Quentin. Le texte est sur deux diapositives, il est un petit peu long, mais il est vraiment intéressant, je crois, pour comprendre la façon dont Quentin a travaillé par rapport à Cyrano. Je vous le lis. Acteur avant tout. Acteur d'incontestable supériorité sans doute, mais acteur plus qu'artiste. Coq, ainsi que qu'on le dénomme familièrement, est un virtuose de premier ordre, un admirable exécutant, et ce qu'il recherche le plus dans un type de théâtre, c'est la difficulté, c'est la diversité. Ses qualités, il les a rencontrées plus que partout ailleurs dans la pièce de M. Edmond Rostand, dont la centième triomphale sera célébrée ce soir à la Porte Saint-Martin. Aujourd'hui, le succès est consacré, que le rôle a été joué officiellement 99 fois par son créateur, dans un tumulte aimable d'acclamations, de viva et de bravo. Aujourd'hui, qu'on pourrait croire que Coquelin commence à être fatigué de Cyrano, si on lui demande quel est de tous ses rôles celui qui le séduisit davantage, il dresse brusquement la tête, arrondit les yeux, avance la lèvre supérieure, sa longue lèvre rasée sous le nez au vent, et claironne, encore le clairon, avec des sonorités voilées de respect, tout comme au premier jour, Cyrano. On s'attend dès lors à une suite de considérations sur la portée sociologique d'un rôle qui n'en a point. Constant Coquelin, ne cherchant pas si loin, évite de tomber dans ce travail. Si le personnage l'a tellement charmé, c'est, et pour la peine qu'il lui est donna, et surtout pour son aspect composite, Cyrano ne réunit-il pas trois emplois, celui de grand premier comique, celui de grand premier rôle, celui de grand jeune premier. Un psychologue se fut conclu à cette apparente diversité d'un être de sentiments simples. Un cabot eût été séduit par la vibration amoureuse et conquérante de tous les instants et se fut délecté au parfum de ses fleurs de rhétorique grimpante. Coquelin, lui, n'y a vu que l'aubaine d'une tache rouge, mais nouvelle pour lui. Songez donc, dit-il, à un grand jeune premier. Les grands premiers comiques, c'est mon emploi. Les grands premiers rôles, j'en ai tenu. Mais les grands jeunes premiers, jamais on m'avait vu en grand jeune premier. Jamais je n'y étais essayé. C'était donc l'obstacle. On sait avec quelle magistrale dextérité le grand acteur l'a franchi. Et quand il en parle, aujourd'hui encore de la centième à sonner, c'est toujours à la difficulté vaincue, aux trois emplois qu'il revient, car il n'apporte point dans l'exercice de son métier de vaine psychologie qui se trouverait mal en accord avec son tempérament. Ce qui le touche dans un type, ce n'est ni la portée philosophique, ni la profondeur d'une analyse, ce sont les effets. Et un auteur peut être assuré, quand il lui confie un rôle, que tout, par le prestige de la diction, du geste et du regard, sera mis matériellement en valeur et dans la valeur qui convient. Constant Coquelin, dans l'expression la plus complète et la plus absolue du mot, c'est l'acteur, avec un 1 majuscule. Donc là aussi, on pourra revenir dans la discussion sur ce texte, mais j'avais voulu le reproduire, notamment pour que vous ayez en tête cette notion d'emploi qui, même si elle tend à perdre de sa force à cette époque, reste quand même un élément de compréhension pour le théâtre de cette période. Cinquième et dernier élément, c'est ce que j'ai appelé l'effet Cyrano. Vous le savez, la pièce de Rostand a suscité beaucoup de commentaires critiques, et là aussi je renvoie à l'édition de Patrick Beignet, qui a magnifiquement résumé cet accueil critique à travers trois critiques, hein, Sarcey, Hérold et Lemaître. Je renvoie aussi à Jean-Yves Guérin, bien sûr, qui a fait le même travail dans son introduction et qui a réuni un large florilège critique. Et encore, il est courant, bien sûr, qu'une pièce d'un grand auteur suscite beaucoup d'articles dans les journaux. Grand auteur, d'ailleurs, je parle sous contrôle de mes collègues, se connaît pas Rostand avant Cyrano aussi. Cyrano qui fait de lui un grand auteur. C'est un auteur déjà important, mais c'est pas vraiment, il n'a pas atteint le sommet encore que va lui donner Cyrano. Donc c'est normal qu'elle a beaucoup d'articles dans les journaux. Ce qui caractérise, à mon sens, la réception critique de Cyrano, c'est ce que j'appellerais faute de mieux l'effet Cyrano. Alors on a bien sûr des articles négatifs, mais aussi, vous le savez, beaucoup d'enthousiasme. Et au début de sa préface, Patrick Beignet a noté, et ça me semble un point fondamental, très tôt en fait, dès la création, à travers Cyrano, c'est d'autre chose que l'on a parlé. D'un événement national, d'une œuvre patriotique, par exemple, à laquelle Félix Feuille, le président de la République, va assister en famille le 6 janvier 1998, 10 jours après la première. Donc, la pièce est célèbre pour toutes sortes de raisons qui lui sont extérieures. D'emblée, et là je reprends aussi le mot bienvenu de Patrick Beignet, il y a un malentendu autour de Cyrano. Et bien sûr, Rostand recueille les fruits de cet effet Cyrano et de cet enthousiasme. J'ai déjà évoqué la SACD. Il en était devenu sociétaire finalement peu de temps auparavant, le 12 juillet 1895, avec comme parrain Ludovic Alévi et Jean Richepin. C'est assez intéressant de savoir qui ont parrainé son entrée à la SACD comme sociétaire. Donc 12 juillet 1995, Ludovic Alévi, Jean Richepin. Après le succès de Cyrano, il participe à l'Assemblée Générale du 4 mai 1998, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il se présente pour être élu à la commission. La commission, c'est l'organe directeur, une sorte de conseil d'administration de la société. Et voilà ce qu'on lit dans l'annuaire de la SACD, puisqu'il y a un vote pour savoir, pour l'élection des membres de la commission. Vous le voyez à l'écran, je ne le reprends pas. Tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Et à côté de Ludovic Alévi, de Massenet, de Lajdan, de Feydeau, Rostand donc obtient 83 voix et en conséquence, il est élu membre de la commission pour 3 ans. Il devient même d'ailleurs avec Feydeau secrétaire du bureau de la commission, donc au sein même de cette association qui est vraiment essentielle pour la structuration du monde dramatique, il parvient au sommet donc la commission de la SACD. De même, et là aussi vous allez voir, ça va se faire d'une façon ultra rapide. Dès le lendemain de la création de Cyrano, le ministre de l'Instruction publique, Alfred Rambaud, propose Edmond Rostand pour la Légion d'honneur. Il est fait chevalier par décret 2 jours plus tard, donc le 31 décembre 1897. J'ai un peu étudié ces questions de Légion d'honneur pour les gens de théâtre au 19e siècle, un processus aussi rapide et complètement exceptionnel. Et je vous montre le document, le dossier de Légion d'honneur de Rostand qu'on trouve en ligne sur la base Léonore des Archives nationales. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose, il n'est pas très intéressant, mais vous avez les dates qui sont reprises. Et vous voyez notamment, c'est pas très net sur l'image, il est présenté, parce qu'il y a une revue de qualité ou grade pour les militaires, il est présenté comme poète et auteur dramatique. Le fait qu'il y ait ces deux termes est bien sûr intéressant. Et quels vont être ses parents dans la Légion d'honneur? Légion d'honneur d'ailleurs qu'il ne va recevoir qu'à l'été 99, il va y avoir un petit peu de décalage, même s'il l'a eu à la fin 97. Ses parents sont Sully Prudhomme et Ludovic Alévi. Donc on retrouve encore Alévi, qui semble bien avoir été une sorte de protecteur, de parrain de Rostand dans la carrière dramatique. Aussi donc, n'est-il pas étonnant, et c'est le dernier élément que je citerai pour cet effet Cyrano, que dans les annales du théâtre et de la musique, que vous trouvez sur Gallica et qui sont vraiment une source très précieuse pour l'année 1992, on va trouver Cyrano mis en valeur. Chaque année, il y a une préface qui est demandée à un auteur ou à un critique. Pour l'année 98, donc l'ouvrage paraît en 99, la préface est due à quelqu'un qui s'appelle Augustin Filon, F-I-L-O-N, qui est connu notamment pour avoir été le précepteur du prince impérial et puis qui a écrit notamment sur le théâtre anglais. Cette préface s'intitule « La philosophie du théâtre », mais elle parle largement de Cyrano et elle commence de la façon suivante. Alors, il faut encore que je bouge. Elle commence de la façon suivante. C'est à la fin de décembre 1997 que Cyrano nous a montré pour la première fois le bout de son nez. ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu le précède. Mais sa gloire s'est épanouie sur l'année 98. Il la couvre tout entière. Et je crois bien que dans notre histoire dramatique, on l'appellera l'année de Cyrano. Ce sera même son excuse, sa rédemption, son pardon à cette vilaine année qui nous a distribué tant de misère et de tristesse. Parmi toutes les années écoulées depuis l'année terrible, elle tiendra le record de la malfaisance et de la malfaisance et du malheur, battant Panama de plusieurs longueurs. Cyrano la rachète et la sauve. Vous voyez, on a presque l'impression que Cyrano court et sauve cette année 98 qui effectivement a été une année très importante pour l'affaire Dreyfus, hein, avec, vous le savez, le 13 janvier, la publication du J'accuse, puis le procès de Zola, ou encore sur un plan international, à l'automne, la reculade de Fashoda en Afrique face aux Anglais, eh bien, d'une certaine façon, Cyrano fait oublier tout cela. Et je vais conclure avec un sixième et dernier élément qui a trait aux sources de Cyrano, puisque bien évidemment, les spécialistes se sont interrogés, et puis même les journalistes qui ont fait des comptes rendus critiques lors de la création de l'ouvrage, sur l'inspiration de Rostand. Où Rostand a-t-il tiré la matière de sa pièce? Donc, vaste sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je vais évoquer une source qui va peut-être s'ajouter à toutes celles qui ont été citées. Je crois qu'elle n'est pas très connue, mais je me trompe peut-être, et peut-être que tout de suite, les vrais spécialistes que sont Hélène et Patrick vont me dire que ça est connu depuis des lustres, et tant pis pour moi. Je le fais non pas par amour de l'érudition, mais pour vous montrer finalement, et c'est ça le but de cette dernière citation, que le sujet de la pièce de Rostand était dans l'air dans les années 1890. En effet, je vais vous parler, et on va lire un texte en trois diapositives, d'une opérette qui s'intitulait strictement un opéra comique, mais il y a beaucoup d'opérettes qui s'appellent opéra comique, qui s'appelle Ninette, qui date de 1896, musique de Charles Lecoq, texte de Clerville Junior, Hubert, Lebeau et de Trogoff. Les librettistes sont pas très importants, et plus vous avez de librettistes, plus c'est mauvais signe, ça veut dire que la pièce a eu des problèmes à vraiment être créée. C'est une pièce qui a été créée au Théâtre des Bouffes Parisiens le 28 février 1896, donc vous voyez, un peu moins de deux ans avant Cyrano. Et dans un texte de 1909, hein, il faut bien avoir en tête que le texte a été fait beaucoup plus tard, Lecoq est revenu sur cette œuvre auquel il était attaché et qui, vous allez le voir, a des liens évidents avec la pièce de Rostand. Donc je lis ce texte avec lequel je finirai mon intervention. Au temps où le chanteur sous la croix jouait à la Monnaie de Bruxelles, je le vis à ce théâtre dans différentes pièces du répertoire, et notamment dans Oberon de Weber. Il y remplissait le rôle du Gascon. Sa jolie voix, sa rondeur, sa gaieté, il faisait merveille, et je fus poursuivi longtemps par l'idée vague d'écrire un opéra comique où on pourrait lui confier un rôle important et amusant de Gascon, et où il se serait trouvé bien à l'aise étant lui-même Gascon. Mais voilà, comment établir ce type rêvé? Comment trouver un librettiste pour écrire la pièce et un théâtre pour la jouer? Un jour, le hasard me fit découvrir dans les grotesques de Théophile Gautier le personnage de Cyrano. C'est alors que l'idée à laquelle j'avais renoncé me revint à l'esprit. Cyrano, à la fois poète, grotteur, hableur, amoureux, et avec tout cela comique. C'était bien là le type rêvé. En effet, une action se passant sous Louis XIII, dans le monde des précieuses et dans la haute galanterie, pouvait donner lieu à une action intéressante, mouvementée et gaie. Je change de diapositive. Il y a un problème, Fanny? Non, non, c'est d'accord. D'accord, super. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Je poursuis le texte. J'ai dit que je destinais l'ouvrage à l'opéra comique, où Sous la Croix avait été engagé par Carvalho depuis plusieurs années. Je me mis à la besogne et mon travail était déjà fort avancé lorsque Grisier devint directeur des Bouffes Parisiens. Il me demanda Cyrano pour ses théâtres. Après bien des hésitations et réfléchissant que l'opéra comique, à peu près inabordable, me ferait peut-être attendre des années, je finis par consentir. Mais il fallait, pour adapter Cyrano au cadre des Bouffes, lui faire subir des changements nombreux et des amputations cruelles. Je me décidai à les faire, mais dans la distribution des rôles, il y en eut un qui modifia sensiblement l'équilibre de la pièce. Pour le rôle de Cyrano, rôle de toute importance, je n'avais qu'un baryton, excellent chanteur heureusement, mais chétif d'aspect et de plus médiocre comme comédien. J'ai mis ça entre crochets, c'est quelqu'un qui s'appelle Picaluga. Que devenait dans ces conditions mon broteur, mon beau hableur et mon poète amoureux? Par bonheur, j'obtiens comme compensation que le rôle de Ninon, Ninon l'enclos, Ninette dans la pièce, fut tenu par Germaine Gallois, qui y fut adorable, et celui de Diane par Alice Bonheur, non moins délicieuse. Cet ouvrage, très bien monté et exécuté, eut un très gros succès à la répétition générale et à la première. Mais comme on s'est en vue de l'opéra comique, la pièce se trouvait, malgré tous mes efforts, un peu dépaysée au bout, par son genre trop en désaccord avec le répertoire habituel de ce théâtre. Aussi Ninette, si bien accueillie pourtant, ne fit que des recettes trop modestes pour rester longtemps sur l'affiche. Au bout d'une quarantaine de représentations, j'ai vérifié, il y en avait 46, elle fut remplacée par d'autres pièces, lesquelles du reste ne firent pas davantage. Cette pièce, qui devait porter le titre de Cyrano, fut jouée sous celui de Ninette, et la direction du régier finit par une faillite, aventure par trop souvent renouvelée à ce malheureux théâtre des bouffes parisiens. Ninette a été beaucoup jouée dans toutes les principales villes d'Italie et toujours avec succès. Personne ne se souvient aujourd'hui qu'un Cyrano avait montré le bout de son nez aux bouffes quelques années avant l'admirable pièce de Rostand. J'avais oublié d'ailleurs du coup de changer de diapositive et je termine en vous montrant une image qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire en la regardant rapidement, n'est pas une illustration de presse de Cyrano de Bergerac, mais de la Ninette de Le Peuple en 1896. Voilà pour ces quelques éléments de contexte qui, j'espère, pourront vous aider dans votre travail autour de Cyrano de Bergerac. Alors, je ne sais pas si peut-être on va enchaîner les. À moins qu'il y ait tout de suite une remarque par rapport à ce que j'ai pu dire qui mériterait peut-être un éclaircissement ou un élément de ma part, mais je crois qu'il est peut-être plus intéressant d'enchaîner les présentations. J'attends juste que Fanny me dise ce qu'il en est par rapport à ça. Qu'on installe. Alors, je ne présenterai pas mes deux collègues, puisqu'un peu comme Agamemnon dans la Belle Hélène, leur nom seul dispense d'en dire plus long. Et notamment, vous avez tous sous la main l'édition de Patrick Bélier. Et donc, vraiment, en les remerciant l'un et l'autre pour leur participation à cette matinée, je passe tout de suite la parole à Patrick. Fanny, c'est bon d'un point de vue Alors, je vois que plusieurs utilisateurs sont en train d'écrire, mais j'ai pas de. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Alors, par rapport aux messages qui nous sont envoyés, déjà merci de cette interaction, mais peut-être qu'on peut les garder, les noter et puis faire la discussion générale après, parce que peut-être que certaines questions ou remarques suscitées par mon exposé trouveront des prolongements dans les deux exposés suivants. Oui. Donc, je passe la parole tout de suite à Patrick Bélier. Très bien. Merci Jean-Claude. Alors, j'ai donné pour titre à